arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tout le bonheur. Ah, ah, ah, ah oui. D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La ira, la ira, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. On pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend. Nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Ah, ah, ah, ah oui. Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges. Like la, like la, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. En attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Ah, ah, ah, ah, ah oui. Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Like la, like la, yeah. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Vous le plaisir de travailler pour nous. Vous serez heureux comme un fou. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous, nous le referons pour vous. Light it up, light it up, yeah. Et il est plus petit que le jardin de ma tante. De costume deux fois par jour. Ce soir, on va parler donc de l'exploitation en milieu associatif. Il y a plusieurs choses qui m'ont parlé dans ce bouquin, notamment le fait qu'il reprend l'histoire des assos, loi 1901. Les assos loi 1901, c'est l'équivalent des ASBL en Belgique. Ces assos loi 1901, elles ont commencé à se multiplier en France dans les années 70, à un moment justement où les missions des services publics, elles sont de plus en plus transmises au secteur privé. Et bien justement, le secteur associatif, il en est le précurseur. Le bouquin revient sur cette période des années 70-80, qui est fortement marquée par des mobilisations politiques et des revendications féministes, des émeutes dans les banlieues, des revendications antiracistes, contre la prison, contre la psychiatrie. Et bien, une partie des réponses à ces revendications, elle pourra être réglée dans le secteur associatif. Le bouquin revient sur le pourquoi et le comment. Notamment parce que les assos jouiront d'une certaine forme d'autonomie dans la manière de faire leur travail, d'où leur lien avec le monde militant. Et en même temps, le fait que ce soit des assos qui fassent ce travail, ben ça n'engage pas directement l'État. Et ça coûte beaucoup moins cher que de payer des fonctionnaires publics. Autre chose qui m'a parlé, c'est l'analyse des rapports entre travailleurs au sein des assos et entre les assos. Pour aborder ça, le bouquin revient sur la concurrence entre les assos, notamment en prenant l'exemple des financements et des subsides. Financements et subsides qui, petit à petit, se transforment de plus en plus en appels d'offres irréguliers et ponctuels par rapport à un contrat d'une durée déterminée, par exemple. Et de moins en moins, il y a des subsides de fonctionnement réguliers à plus long terme. Et donc cette précarisation des subsides et des thunes qui sont reçues par les assos, ben elle est directement liée avec une précarisation des contrats de travail. Notamment via la kyrielle de contrats plus précaires les uns que les autres qui existent. En France, c'est les dispositifs contrats uniques d'insertion, les emplois d'avenir, la proposition de bosser en auto-entrepreneur, ou carrément le bénévolat et le volontariat. Le travail gratuit, quoi. Enfin, en Belgique, on pourrait dire c'est les APE, les aides pour l'emploi en Wallonie, les articles 60 qui sont payés par le CPS. Et le bouquin nous montre comment ces différents contrats précaires dans le temps traduisent une forme de précarité, d'isolement et de division entre les travailleurs. Et de fait, une hiérarchisation entre ces travailleurs-là et ceux qui ont un CDI à plus long terme. Je vais vous lire un petit passage qui explicite bien ce que je viens de raconter. Considérons une association où un poste est financé par la CAF et un autre par la région. Les deux salariés font globalement le même boulot. Ils ont le même chef, les mêmes conditions de travail. Si, comme c'est fort probable, il arrive que l'un de ces deux postes cesse d'être financé, il apparaît brutalement que les deux salariés n'ont pas le même employeur. Ce qui est vrai et faux à la fois. Que peut le chef pour le salarié dont le poste cesse d'être financé? En réalité, il peut tout et rien à la fois. Il ne va pas financer lui-même le poste. Tout ça n'est pas de sa faute. Mais c'est lui qui a les cartes en main pour bricoler, et surtout faire bricoler, ses salariés dans un sens ou un autre. Tout ça se joue dans une zone grise, faite de rapports interindividuels, basés sur des rapports de pouvoir non formalisés. Autre chose que le bouquin aborde et qui m'a plu, c'est l'idéologie qui est censée être portée par les travailleurs dans les assos. Une idéologie de dévouement et d'engagement. On attend des gens qui fassent des heures sans les compter, qui fassent du travail gratuit. Tout ça parce que ils sont censés être des héros sociaux et sauver le monde, quoi. Et tout ça aussi parce que l'asso va mal. Mais si l'asso va mal, nous rappellent les auteurs et les autrices, c'est bien parce que c'est lié à une réalité structurelle. Et voilà, ce que je vous invite vraiment à lire dans ce bouquin, c'est l'analyse de cette réalité structurelle. Les rouages des fonctionnements institutionnels, qui sont propres à toutes les assos. En tant que travailleur, moi je me suis reconnu dans plusieurs analyses, notamment liées à ces histoires de contrats, de hiérarchie, au mécanisme institutionnel. Du coup, le patron, c'est l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration, c'est pas vraiment un patron, mais en fait, insidieusement, oui. Et ce livre, il fait du bien parce qu'il permet de prendre du recul et de réinscrire ces rapports dans un contexte historique et dans des enjeux économiques et sociaux qui sont propres à l'État. Bon, je dis ça comme ça, mais le ton est vraiment fin et juste, ça sent le vécu. Un petit clin d'œil pour les auteurs et autrices, c'est que moi, personnellement, parfois, ça me reprend de me dire « Ah, je vais postuler en secteur associatif, c'est quand même sympa et valorisant. » Eh ben non, le livre ne m'a pas du tout donné envie de retourner au Politburo, des soi-disant luttes sociales, et j'en remercie grandement les auteurs et autrices. Voilà, c'est tout pour « Te plains pas, c'est pas l'usine, l'exploitation en milieu associatif. » Bonne soirée. Doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, doudé, yo, bleu, blanc, rouge, blanc, bas, peau, la pureté est leur credo. Ils se défendent de pas chaud, pourtant leur père est décollabo. Ils chassent le go, chaud à Dieu avec les points et les mots. Roette le papagan, j'ai le marmot. Avec la guerre, c'est pour bien bientôt. Ils font une bande de dingue, bleu marine, une bande de dingue. On les écoute, on devient dingue. Et on répète, c'est pour tous ces dingues dingues. On sait le moins si tout le monde est dingue. Pas chaud aux infos, c'est dingue. Pas chaud en politique, ça schlingue. Si ça continue, donnez-moi un flingue. Des croix gars, mais qui bat au turban et son quoi fait. C'est le reine qui les fait, c'est le vert. Aime le débat à ma armée. Anti-gauchiste, anti-progrès, anti-féministe et anti-père. Ils vivent tous dans le pas, c'est autant des chevaliers. Ils forment une bande de dingue, bleu marine, une bande de dingue. On les écoute, on devient dingue. Et on répète, c'est porté de dingue dingue. On se demande si tout le monde est dingue. Pas chaud aux infos, c'est dingue. Pas chaud en politique, ça schlingue. Si ça continue, donnez-moi un flingue. Yeah, yeah. Hey. main sur la femme ou la nation. Si on la reste la religion, et même s'ils portent des verrons. Noël, quand on va au bal, on leur dit Noël, dans les rues d'en haut, on leur dit Noël, partout dans la rue, on leur dit Noël, pas de quartier pour les nazis. Ils forment une bande de dingues, bleu marine, une bande de dingues. On les écoute, on devient dingue, et on répète, c'est pas c'est le dingue dingue. On se le main sur le monde est dingue, pas chaud aux infos, c'est dingue. Pas chaud en politique, ça chlingue. Si ça continue, donnez-moi un flingue. Un flingue. Flingue. Les fachos écoutent le MC, à l'histoire de t'as rien appris. Ton père se pavonnait dans les colonies et t'emmerde. On est des joueurs nazis du côté des flics. Pendant la commune avec le Napoléon, vous faisiez la une, tes idées je fume. Une par une, tes idées je fume, tes idées je fume. Ils forment une bande de dingue, bleu marine, une bande de dingue. On les écoute, on devient dingue, et on répète ses portées de dingue dingue. Oh c'est de mince, tout le monde est dingue. Fachos aux infos c'est dingue. Fachos en politique ça chlingue. Si ça continue, donnez-moi un flingue. Flingue. Un. Yeah, yeah. Un flingue. Ce morceau s'appelle Alerte antifasciste des Beatboy Trio. Alors pourquoi antifasciste? Parce que c'est le sujet de ma présentation de ce soir. Alors mon propos, en fait, il s'inspire de l'article de Pierre-Ulysse Baranque qui est paru à la revue communiste Contre-temps du 13 février 2017. Alors cet article s'appelait « William Reich et la révolution absente, pensée l'entre-deux-guerres avec Marx et Freud ». Alors suite à l'apparition de cet article, il a été interviewé dans l'émission « Sortir du capitalisme » qui est passée sur Radio Libertaire. Et cette émission était intitulée « Psychologie de masse du fascisme et du capitalisme ». Une critique émancipatrice du capitalisme et son dépassement libertaire. Alors le livre que je vais évoquer à la fin de ma présentation s'appelle « Écoute petit homme » qui a été édité en 1972 à la bibliothèque, la petite bibliothèque Payot. Mais sa première édition date de 1948. Donc il a été édité en 1945. Et en fait, c'était impossible pour moi d'aborder ce livre de William Reich, et d'ailleurs d'aborder William Reich tout court, sans le recontextualiser. Ce livre correspond, en fait, qui a été donc écrit en 1945, il correspond à la période de William Reich, qui est dite orgonomique. Alors, c'est en fait la dernière période de sa vie. Mais ici, je vous propose de voir d'abord qui fut cet homme avant de devenir celui qu'on nomme le fou ou le lubrique ou celui dont on brûle les livres et celui dont on détruit le laboratoire avant de l'enfermer et de le laisser crever. C'est en fait de son engagement politique dont il sera question ici, celui qui l'a amené à devenir un des premiers théoriciens de ce qu'on appelle le freudo-marxisme, parce que en fait c'est directement lié avec son ostracisation de fin de vie qui s'est passée dans une époque de guerre froide. Cet apport politique de Reich en fait est le plus souvent balayé par ceux et celles qui l'ont récupéré plus tard pour son seul intérêt qui est devenu soi-disant la thérapie individuelle, le New Age, le courant spirituel du 20e, 21e siècle, là, ce courant spirituel occidental caractérisé par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité. Il s'agit ici en fait d'une appropriation qui est tout à fait partielle. Et voilà, je me tiens ici d'essayer de recontextualiser un petit peu ses apports. En fait, William Reich, il est né en 1897 en Autriche et il est mort en 1957 dans la prison de Lewisburg aux USA, aux États-Unis. En fait, c'est un intellectuel psychanalyste et communiste qui s'interroge avant tout sur le grand désastre historique des années d'entre-deux-guerres. Alors, en fait, tels les philosophes de l'école de Francfort, mais en fait avant eux, William Reich participe de ce courant marxiste dit hétérodoxe, dont une grande partie des recherches est consacrée à la compréhension du phénomène totalitaire en général et du nazisme en particulier. Avec ceci de justement particulier en ce qui concerne William Reich et son ouvrage. Qui précède de loin celui dont je vais vous parler plus tard, mais qui est très important à cette époque-là, qui s'appelle « La psychologie de masse du fascisme ». Cet ouvrage est rédigé, en fait, pendant la période de conquête du pouvoir par le Parti national-socialiste, donc c'est-à-dire entre 1930 et 1933, donc bien avant les ouvrages consacrés à cette analyse de l'école de Francfort. 1933, c'est l'année qui voit l'accession d'Hitler au pouvoir. Et ce n'est donc pas une analyse a posteriori qui a été faite, mais une analyse presque réalisée en direct, en fait, qu'il a fait. Dans les années 30, le mouvement ouvrier est très très présent et la victoire d'un régime nazi, fasciste, dictatorial et raciste constitue un phénomène qui est totalement impensable. La crise de 1929, en fait, n'a pas conduit à la révolution prolétarienne tant attendue par les militants communistes, mais au contraire a détruit tous les espoirs de grand soir. Et ce qui est très marquant, c'est qu'à la sortie de son livre, donc « Psychologie de masse du fascisme », en 1933, Reich, il est à ce moment-là à la fois exclu du Parti communiste allemand et de l'Association psychanalytique internationale, parce que c'était un grand pote de Freud hein, à l'époque. En fait, il se révèle trop freudien pour les marxistes et trop marxiste pour les freudiens. Les nazis, eux, ils verront dans ce livre une critique radicale de leur idéologie. Dès 1935, la Gestapo va d'ailleurs ordonner l'autodafé de l'ensemble de ses œuvres. Et dans « Psychologie de masse du fascisme », Reich appelle les marxistes à prendre en considération le facteur subjectif de l'histoire, ce qui implique la constitution de ce qu'il appelle dans son livre une psychologie de masse ou une psychologie politique. En fait, il s'agit pour Reich de révéler, grâce à la psychanalyse, un impensé du marxisme. Alors, ce dont il s'agit, c'est de la discontinuité intrinsèque entre les déterminations sociales et les représentations sociales. Et cette dimension intermédiaire n'est rien d'autre que la dimension émotionnelle qui a été découverte par Freud dans sa théorie de la libido. En fait, si on peut dire autrement, hein, que Reich cherche les causes du refoulement sexuel et des psychopathologies qui en découlent, et que ces causes, selon lui, ne sont pas du tout d'ordre strictement psychologique, mais elles ont au contraire une origine sociale. Alors pourquoi il a été éjecté de l'association psychanalytique internationale? C'est parce qu'en fait, Freud, dans Totem et Tabou, donc Totem et Tabou, il sort en 1913. Freud, à ce moment-là, il a pensé le social à travers le psychanalytique. Donc Freud, il pense qu'il faut contrôler le sujet irrationnel pour le bien des individus et la stabilité de la société. Tout au contraire de Reich, qui pense, lui, que le psychanalytique doit être pensé à travers le social. Et même plus précisément, il pense l'aliénation mentale comme un phénomène intrinsèquement social. Donc il affirme que les pathologies de la structure psychologique individuelle se développent parce qu'une forme de société inégalitaire et liberticide contraint les individus à construire leur ego dans des schémas individuels et collectifs qui excluent d'emblée la question de leur désir et de leur bonheur. L'inconscient est aliéné par la société capitaliste. Selon lui, dans la société capitaliste, l'individu moderne ne peut pas satisfaire ses désirs et ses plaisirs. Et donc, il ne peut pas non plus développer de façon saine sa libido. Ce qui veut dire que les individus optent à ce moment pour une insatisfaction compensatoire plutôt qu'une absence totale de satisfaction, qui peut conduire les sujets vers des comportements autodestructeurs et jusqu'à la psychose ou au suicide, dans une recherche de détente ou ce qu'il appelle de décharge partielle. Si on fait référence à Adorno un petit peu plus tard de l'école de Francfort, il dira que le capitalisme constitue des individus qui ont un moi extrêmement faible et qui par là cherchent à décharger par une consommation excessive et éphémère et qui ont besoin comme substitut d'identification à un grand collectif. Autre chose que le nazisme propose comme la race, la nation. Alors Reich, il continue, et il dit que la sexualité à laquelle le processus de refoulement refuse les satisfactions voulues par la nature se tourne vers toutes sortes de satisfactions de remplacement, et c'est ainsi que l'agressivité naturelle se transforme en sadisme brutal. Alors je vais ici vous faire écouter un petit exemple dans une évocation pasolinienne de la République de Salo. Selon vos désirs. Faible créature enchaînée, destinée à notre plaisir. J'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur. Ici, vous êtes hors des limites de toute légalité. Personne sur Terre ne sait que vous êtes ici. Pour le monde, vous êtes déjà mort. Écoutez le règlement qui régira maintenant votre vie. À 18h précises, toute la compagnie devra se réunir dans la salle dite des orgies, où les narratrices viendront tour à tour nous raconter une histoire sur un thème chaque fois différent. Les amis pourront interrompre à tout moment et autant de fois qu'ils le voudront ce récit, dont le but est d'exciter l'imagination. Et toute la civeté sera autorisée. Après dîner, ces messieurs passeront à la célébration de ce que l'on désigne par le terme « orgie ». Il règnera dans le salon et dans les autres pièces une douce chaleur. Tous les participants seront vêtus selon les circonstances. Couchés par terre, comme des animaux, et changeant de position, ils se mêleront, s'étreindront, s'accoupleront, incestueusement, adultèrement, sodomitiquement. Telle sera, messieurs, notre façon de procéder sans exception. Par contre, tout homme... Mais que font là les serviteurs? Chassez-les! Tout homme trouvé en flagrant délit avec une femme sera puni par la perte d'un membre. Les plus petits actes religieux, les plus insignifiants auxquels quiconque se livrera, se verront punis aussitôt par la mort. Tous à l'intérieur, faites-les rentrer. De même qu'il y a une conversion et une exploitation de la force de travail de l'ouvrier par la bourgeoisie afin de produire du capital, il y a une conversion et une exploitation de la libido frustrée et aliénée opérée par le nazisme. Le propre de la société capitaliste moderne, c'est de réaliser une véritable conversion sadique de la frustration libidinale. Après la sortie de son livre en 1933 et en danger en tant que juif et communiste, Reich va fuir l'Allemagne nazie. Il passe par l'Autriche, la Norvège, la Grande-Bretagne et part ensuite aux États-Unis où il occupe un poste de maître de conférence. Alors aux États-Unis, William Reich va développer sa théorie de l'orgone. En fait, il va mettre en place des centres de soins et développer des machines supposées tirer profit de l'énergie vitale présente partout. En fait, il va, à cette époque-là, reprendre ses contributions à la sexologie et à la thérapie psychanalytique de sa première période psychanalytique, où dans les années 20, il était très pote avec Freud. Et il va reprendre son engagement en faveur de l'émancipation, de la satisfaction sexuelle, la fonction de l'orgasme, la cuirasse caractérielle et ses recherches sur l'énergie d'orgone. Alors c'est à cette époque-là qu'il va écrire le livre dont je vais enfin vous parler un tout petit peu, qui s'appelle « Écoute, petit homme ». En fait, c'est pas du tout un document scientifique, c'est plutôt un document humain. Il a été rédigé en 1945 pour les archives de l'Orgone Institute. Il n'était pas du tout destiné à être publié. Et on peut dire, en fait, comme dans la préface de ce livre, comme il l'explique très bien, que c'est un peu l'aboutissement des tempêtes et des luttes intérieures d'un homme qui a observé pendant des décennies ce que l'homme de la rue s'inflige à lui-même, donc comment il souffre et se révolte, comment il admire ses ennemis et assassine ses amis, comment, au moment même où il accède au pouvoir, en assumant la fonction de représentant du peuple, il abuse de sa puissance et la rend pire que celle dont auparavant il avait à souffrir de la part de certains sadiques des classes supérieures. Moi, je dirais que c'est une petite lettre adressée à ce petit homme, une lettre qui est presque personnelle et qui cherche à lui expliquer, à ce petit homme, comment il en est arrivé là. Je vais vous lire un extrait de la page 42 pour vous donner le ton. Après, ça ne résume en rien l'ouvrage. « Mais tu n'es pas exclusivement petit, petit homme. » Je sais que tu connais de grands moments, des moments d'extase, d'élévation, d'ascension, mais tu n'as pas d'énergie de t'élever sans arrêt, de monter toujours plus haut. Tu as peur de persévérer. Tu as peur de la hauteur et de la profondeur. Nietzsche t'a dit tout cela, bien mieux que moi, il y a longtemps, mais il n'a pas dit pourquoi tu es ainsi fait. Il a essayé de faire de toi un surhomme, un Übermensch, capable de surmonter ce qu'il y a d'humain en toi. Ce surhomme est devenu ton Führer Hitler. Quant à toi, tu es resté le sous-homme, l'Untermensch. Je voudrais que tu cesses d'être un Untermensch et que tu deviennes toi-même. Que tu ne t'identifies plus au journal que tu lis, aux opinions de ton méchant voisin. Je sais que tu ignores ce que tu es et comment tu es au plus profond de ton être. Au plus profond de ton être, tu es le chevreuil, ou ton dieu, ou ton poète, ou ton sage. Parmi bien d'autres inventions que William Reich va faire, il va inventer sa figure du Cloudbuster. Alors, en français, on pourrait traduire par « têteur d'éther » ou « brise-nuage », à l'ère duquel il prétendit faire pleuvoir d'abord au cours des sécheresses dans le Maine, donc au nord de New York, et ensuite dans les régions arides, et aussi repousser les tempêtes. Alors, je vous propose maintenant d'écouter la chanson « Cloud Busting » de Kate Bush, et surtout d'aller voir par après son clip vidéo, qui sont un bel hommage à William Reich, pour clôturer cette présentation. Salut. I still dream of Organon. I wake up crying. You're making rain, and you're just in reach. When you in sleep escape me, you're like my yo-yo that glowed in the dark. What made it special? Made it dangerous. So I bury it and forget. But every time. Voilà, et donc moi, j'allais vous présenter une brochure sur les soins de santé. Et puis, en interviewant une amie sur sa distro, avec des histoires de questions de santé féministes et questions de genre, et du coup, c'était bien plus intéressant que ce que j'allais vous présenter. Du coup, je vous propose d'écouter cette petite interview. Donc sur sa distro retour de flamme, et puis ensuite il y aura une petite recette de boostage immunitaire et puis une chanson. Bonne écoute. Alors on est avec une copine de la distro retour de flamme. Raconte-nous un peu en quoi ça consiste. Donc retour de flamme, c'est une distro de zines et de brochures à prix libre qui est centrée sur les questions de santé et de sexualité au sens large, avec une perspective féministe, anarchiste et autonomisante. Et donc, on trouve comme brochures, par exemple, on trouve des brochures sur le trauma, les street medics, les plantes médicinales, l'auto-examen gynécologique, le self-help, voilà, pas mal de choses comme ça. Quoi d'autre ? La santé mentale, l'avortement. Aussi l'histoire de la gynécologie, c'est assez large, quoi. En tout cas, des brochures qui peuvent amener une forme d'autonomisation, de réflexion, aussi sur les rapports de domination au sein de la santé et de la sexualité. Et bah, la distro, elle est présente un peu aléatoirement à Bruxelles et ailleurs. Donc voilà, il faut chercher, trouver lors d'événements divers, des concerts ou des festivals, des soirées de soutien féministe ou autre, voilà. Et peut-être aussi, rajouter un petit truc, pourquoi ces sujets-là ? Pour moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces sujets sont importants. C'est à la fois pour partager des outils dans un milieu militant qui est quand même souvent très productiviste et aussi machiste et viriliste. Et puis aussi pour développer une culture du soin dans les luttes et nous autonomiser par rapport aux seules options qui sont disponibles en général, qui sont les options plutôt capitalistes, et puis pour déconstruire nos rapports à la santé, à nos corps, qui sont des rapports construits capitalistes, patriarcaux, racistes, classistes, sexistes, etc. Voilà. Et donc, pour faire le lien avec la distro, je voulais vous proposer une recette du vinaigre de feu, qui est une recette qui est faite avec des ingrédients qu'on trouve dans la cuisine et qui est un vinaigre qui va permettre de lutter contre cet hiver froid et morose et stimuler aussi notre immunité. Et ce qui est intéressant avec cette recette, c'est que c'est des ingrédients qui sont facilement trouvables, qu'on a souvent chez soi d'ailleurs déjà dans la cuisine, et plutôt que d'aller devoir acheter des ingrédients chers qui viennent de loin en herboristerie, en magasin bio, qui viennent souvent de pays où on pille leurs propres ressources pour se soigner ici par exemple, et bien là c'est des ingrédients qui sont voilà, pas toujours et tous locaux, mais qui au moins sont facilement trouvables en épicerie ou qu'on a même déjà chez soi. Et donc d'ailleurs, cette recette qu'on va vous expliquer maintenant, vous pourrez la trouver dans la distro, un petit feuillet qui explique comment faire également. Donc dans ce vinaigre de feu, ce qui est intéressant, c'est en plus des ingrédients, c'est aussi récemment la lutte qu'il y a eu pour conserver la liberté d'utiliser le nom vinaigre de feu. C'est une lutte qui a commencé l'année dernière aux États-Unis suite au fait qu'une société a déposé le nom Fire Cider, donc vinaigre de feu en anglais, et voulait breveter ce nom et en faire une marque privée, quoi, privatisée. Et donc il y a tout un réseau d'herboristes et de personnes de lambda qui se sont mises en lien pour lutter contre cette privatisation. Et ils ont gagné. Donc il y a un an, le procès a conclu que le nom Fireside pouvait rester dans le domaine public. Et il faut savoir que c'est un nom qui est tout à fait d'usage courant en anglais, aux États-Unis en tout cas, et qui a été popularisé dans les années 70, entre autres par une herboriste assez connue qui s'appelle Rosemary Gladstar. Et après, le vinaigre qui est voilà, macéré, c'est pas inventé dans les années 70, ça c'est des recettes antiques C'est très ancien, le fait de macérer des plantes dans le vinaigre, et on retrouve ça à plein d'endroits dans le monde, donc qu'une société veuille privatiser ça, c'était évidemment complètement fou, et ça fait partie de la logique capitaliste de breveter l'ensemble du vivant. Voilà, mais donc les personnes qui ont lutté pour ça ont monté un site internet où ils expliquent toute l'histoire, et le site c'est freefirecider.com, donc F-R-E-E, F-I-R-E-C-I-D-E-R.com. Et là-dessus, on trouve toutes les informations. Donc, pour faire cette recette, en premier, il faut qu'on prenne un bocal. Ici, on va prendre un bocal de 250 ml. Et il faut le laver. Bien le laver. Et après, on va le stériliser. Et pour stériliser, on peut mettre soit dans l'eau bouillante pendant une minute, soit au four à 60 ou 80 degrés. Donc, pour faire le vinaigre de feu, on va commencer par stériliser le bocal, donc ce qu'on a fait, et on va d'abord couper le radis noir ou le réfort. Donc il faut soit un réfort ou un radis noir, un demi en fait. On va l'éplucher. Et puis on va le couper grossièrement et on va le mettre dans le bocal. Après le radis noir, on va avoir besoin d'un oignon rouge qu'on va aussi éplucher et couper en morceaux. Et qu'on va rajouter dans le bocal avec le radis noir. Donc ensuite, on va prendre l'ail. On a besoin de 4-5 gousses d'ail qu'on va aussi éplucher et découper. Et oui, donc j'avais pas encore dit, mais évidemment tous ces ingrédients ont des propriétés particulières. L'oignon rouge est un stimulant général, c'est aussi un diurétique, donc qui va permettre d'éliminer par l'urine les toxines. C'est un antiseptique, donc désinfecté, et aussi un anti-infectieux, donc qui permet d'éviter les infections, et un digestif, qui aide à digérer. Et il y a l'ail, lui, il est aussi très bon pour l'immunité, il va aider à augmenter les cellules, enfin la réponse immunitaire dans le corps. Et c'est aussi un antiseptique, un bactéricide, un tonique, donc il va stimuler de manière générale tous les processus du corps. L'ail, c'est hyper puissant. C'est aussi un diurétique, donc comme l'oignon, et un fébrifuge. Donc il va aider à un peu canaliser, diminuer la fièvre. Et par contre, l'ail, c'est aussi un hypotenseur qui ralentit le pouls. Donc c'est un ingrédient à prendre avec précaution si on a des problèmes cardiaques, évidemment. Mais ici, dans ces quantités, c'est pas non plus des très grandes quantités sur toute la journée. Et le radis noir, donc c'est un tonique respiratoire et un diurétique aussi et un stimulant de tout l'appareil digestif. Une fois qu'on a fait l'ail, on va prendre du gingembre et plus ou moins 100 g de gingembre qu'on va aussi éplucher et couper en gros morceaux. Et donc le gingembre, il est efficace contre les virus, c'est parfait. Parce qu'il empêche les virus de se développer. Et c'est aussi un réchauffant qui va aider contre les douleurs articulaires et contre les états inflammatoires. Et les états inflammatoires, c'est des réactions du corps à des virus, à des infections, à des douleurs locales. Voilà, donc on coupe le gingembre en petits morceaux, je le mets dans le bocal, et après on va encore rajouter de la cannelle. La cannelle, on prend un bâton, qu'on va aussi broyer grossièrement. Donc j'ai broyé la cannelle dans un mortier avec un pilon. J'avais essayé avec un couteau, mais c'était trop dur. Et je la mets dans le pot. Et la cannelle, donc, c'est aussi, comme le gingembre, un réchauffant. Ça va apporter de la chaleur et augmenter la température corporelle, et ça va aussi accélérer tout le métabolisme. Et donc il y a un peu un trio, la cannelle, gingembre et maintenant le piment qu'on va rajouter. Alors le piment, on prend juste quelques... deux, trois piments. En fait, ça dépend un peu de quel piment il s'agit et de quelle quantité de piquant on veut mettre dans le mélange. Ça, c'est un peu à déterminer personnellement. Donc les piments, on va aussi les hacher menus. Attention évidemment à ne pas se mettre les doigts dans l'œil ou sur les muqueuses après. Donc à bien laver les mains une fois qu'on les a hachés. Donc c'est des piments séchés. Sur le piment, on peut aussi dire qu'il va dilater les artères. Et donc quand il fait ça, ça va amener une sensation de chaleur dans tout le corps, au niveau de la peau. Ça va nous réchauffer, donc c'est parfait quand on a pris froid ou quand on doit être longtemps dans le froid dehors. Et c'est aussi utile pour la fièvre, dans la première phase de la fièvre, quand on est dans la phase où on a froid, où on grelotte. Ça va aider à réchauffer. Pas dans la deuxième phase où on a trop chaud, évidemment, là il vaut mieux éviter le piment. Et ça va aussi stimuler tout le corps et la digestion, et ça va aider à faire circuler le mucus dans le corps, donc évacuer le mucus qui se forme et qui bouche, par exemple la gorge ou les narines ou quoi. Et donc après notre trio réchauffant piment, cannelle, gingembre, on va rajouter quelques pincées de poivre. Donc le poivre est aussi réchauffant évidemment, et stimulant de l'organisme. Et après, le dernier ingrédient qui nous manque encore, c'est les baies de sureau. Et le sureau, on ne retrouve pas ça dans toutes les recettes, mais voilà, on peut toujours personnaliser ses recettes. Et le sureau, c'est vraiment un très bon stimulant de l'immunité, qui est très très bon aussi pour les infections respiratoires, les états grippaux, et qui est plein de vitamines. Et le sureau, c'est aussi un arbre qu'on trouve vraiment partout ici. Donc c'est très facile d'en récolter à l'automne, et de les utiliser fraîches ou de les faire sécher. Et donc ici, on va prendre 50 g de baies de sureau. Et on va les verser dans le bocal. Et donc pour terminer, on peut personnaliser le mélange. Moi, je vais rajouter du romarin, qui est un super stimulant. À la fois physique, intellectuel, de la mémoire, plein de choses. Mais on pourrait aussi rajouter du thym, de l'origan, des baies d'églantier qui sont pleines de vitamine C. Ça, c'est un peu à voir selon les goûts et les besoins aussi. Et donc, une fois qu'on a mis ce romarin, on verse le vinaigre sur tous les ingrédients. À les recouvrir complètement. C'est important de tout bien recouvrir, qu'il n'y ait pas de choses qui dépassent au-dessus pour éviter que ça pourrisse, l'oxydation. Donc évidemment, on prend du vinaigre, c'est du vinaigre de cidre ou du vinaigre de pomme, et si possible bio. Et l'intérêt du vinaigre, le vinaigre a vraiment plein de propriétés super intéressantes. Ça, vous pourrez consulter la petite fiche pour voir les détails dans la distro. Mais entre autres, le vinaigre est un super stimulant de la santé intestinale. Donc il va vraiment, comme c'est un produit fermenté, il va aider à développer les bonnes bactéries dans l'intestin. Et la santé intestinale, c'est hyper important pour l'immunité. Donc voilà, c'est un ingrédient essentiel du mélange, quoi. Après, une fois qu'on a recouvert tout avec du vinaigre, on va mettre un petit tissu et on va fermer le couvercle. On met le petit tissu entre le couvercle et le pot pour éviter qu'il y ait un contact direct entre le métal, pour éviter une forme d'oxydation. Et après, on va mettre le mélange à reposer pendant 4 semaines. On va laisser macérer, pas en plein soleil, On peut le mettre sur une étagère ou dans une armoire. Et puis on va filtrer, 4 semaines plus tard, on va rouvrir et filtrer avec un linge et on va bien presser pour récupérer un maximum du liquide. Et voilà, on va pouvoir garder le vinaigre comme ça pendant 1 an au frigo ou 6 mois en dehors du frigo. Et pour l'utiliser, on va consommer soit en usage comme ça quotidien pour soutenir l'immunité, on va prendre 1 cuillère à soupe une fois par jour, tous les matins par exemple, en prévention. Et si on a un état grippal, eh ben on va prendre 3 à 4 fois par jour 1 cuillère à soupe. Et quand on prend la cuillère, on peut aussi la mélanger avec du miel ou un autre sucrant qui serait vegan. Et on peut aussi la prendre avec du sirop de sureau. Et le miel et le sirop de sureau ont aussi des super propriétés antibactériennes et antibiotiques. Donc voilà, ça c'était la recette du vinaigre de feu. Et ben, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir voir la distro quand vous la croisez à un événement futur. Retour de flamme, où j'espère pouvoir vous donner un petit feuillet avec l'explication de la recette et puis les propriétés tout ça du vinaigre de feu. Et vous pouvez aussi voir sur internet différents sites. Donc il y avait le site Free Fire Cider que j'ai dit au début, sur la lutte pour garder le nom dans le domaine public. Il y a un site en français qui est une super ressource en termes de plantes, d'usage de plantes médicinales et d'herboristerie. C'est le site Althea Provence. Ça s'écrit A-L-T-H-E-A, espace Provence. Et c'est un herboriste du nom de Christophe Bernard qui le fait. Et il y a énormément de contenu gratuit partagé. Il y a aussi des sites en anglais. Il y a le site des Herboristes sans frontières, donc c'est Herbalists Without Borders, et le site de Solidarity Apothecary. Peut-être on mettra les liens en ligne avec l'émission. Et le site de l'herboriste américaine qui a popularisé le vinaigre de feu, c'est Rosemary Gladstar. Et il y a aussi un autre herboriste qui a pas mal popularisé l'usage des plantes, qui s'appelle Seven Song. Donc Seven, le chiffre, et Song, comme une chanson, S-O-N-G. Pour terminer, je voulais vous proposer d'écouter un morceau de System Failure, qui est un groupe anarcho-féministe. Et elles ont écrit un morceau qui s'appelle Stick Together, qui parle de se soutenir pendant les moments difficiles et dans un système qui cherche à nous détruire. We say goodbye at the beginning of the night, when the rest of this little town will turn off their bedroom lights. We say goodbye before we hit the road, because the paths we take are not the ones that everybody knows. We say goodbye with this fear in our hearts about the people who will do their best to tear our worlds apart. We say goodbye not knowing the next time we will meet, and if there's a chance that we will be alive, 'cause we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other as safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all, don't push the ones you love far enough for them to fall. 'Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. We have secrets, we have treasures, we have our plans, but they can never be measured by the ways of consequence. 'Cause we can't be sure how fucked up the state decides to react. So we burn up, encrypt our messages, and find it hard to trust every single person that we are desperate to love. 'Cause those outside our circles are always the enemy to us. And we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of have to stick together. I see that you've been beaten. I see the cut you deep into your very existence. If you need to take some time, if you need to get away, we can all work together to find somewhere warm and try to stay. This will never be safe, this will never be easy. We will need to call our parents to let them know we're still breathing. But if we hold each other near every step of the way, then maybe it'll be better, maybe it'll be better. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all, don't push the ones you love far enough for them to fall. Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. Et voilà, c'était System Failure qui avait joué il y a déjà 3 ans pour soutenir une formation street medic ici en Belgique. Et on écoutait une copine qui nous expliquait un peu la distro Retour de Flamme et une super recette. Et certainement qu'elle reviendra ici sur la distro La Pinothèque Tranche de Nard pour proposer d'autres recettes et d'autres brochures, d'autres revues, d'autres livres en lien avec les questions de santé, de genre et de féminisme au pluriel. Voilà, et ben c'est la fin de l'émission. On remercie Serge à la technique. Pas de problème, à bientôt. Et Aline qui était présente aussi. Salut, salut. Vous pouvez nous écrire sur le mail de la distro La Pinothèque, donc c'est lapinothèque@rise.net. Toutes les infos sur ce que vous écoutez comme musique ou des liens vers d'autres sites ou les podcasts sur le blogspot des Lapins Électriques ou sur Tranche de Nard. On vous donne rendez-vous à la fin du mois de décembre pour la distro La Pinothèque. Ce sera le mercredi 30. Et Tranche de Nard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 22h, les mercredis. Et là, on va s'écouter un morceau qui vient de sortir d'Inner Terrestrial. Avec son titre Mercenaire, on entend la voix de Magali de La Fraction. Et c'est parti pour Interterrestrial et à très bientôt. Salut. Ciao. Salut, salut. And steals. There is no justice, there is just us. It comes, it loops, it deals. There is no justice, there is just us. It threatens and tortures with zeal. There is no justice, there is just us. By force you dictate what's real. There is no justice, there is just us. If complicit obedience isn't your fit, they'll send out the heavies to bring you in. Mercenaries, mercenaries, mercenaries. You will be judged by the profit you bring. You'll be protected by the thief is king. Mercenaries, mercenaries, mercenaries. So big and brave, hard muscle for the mainframe. Imposing a dystopian dream. All aboard the gravy train. They're only doing their job, following orders, they feel no shame. To crush all resistance, the wealth of destruction for their masters. Financial gain. If complete